construisent quoi? Faisons-elles les mélancoliques avec notre propre rythmique et notre joie? Molt benvinguts i benvingudes amb una nova edició d'aquest al vostre espai. Estem parlant de Olala Music, un programa de música cantada en francès. Estem arribant amb aquests programes ja al final d'aquesta nova temporada del nostre espai, una temporada que ens ha acompanyat en diversos espais i avui, doncs, per tant, serà, a part de les participacions dels nostres col·laboradors habituals, un programa en el qual escoltarem a diversos artistes, un mix de bones cançons en francès, començant amb una cançó del gener del 2018 a càrrec d'en Jean-Paul Wavota. Tes larmes, cache ton chagrin, qu'elle n'en sache rien. Retiens tes pleurs au secret de ton amour, secret de ton amour. Keep your secret of your love. Keep your secret of your love. Secret of your love. Secret of your love. Secret of your love. Retiens tes larmes, qu'elle n'en sache rien. Retiens tes larmes, retiens tes pleurs. Retiens tes larmes. Oh, oh. És un àlbum anomenat Gold Music. En Jean-Paul Wavota ens porta aquest tema, que és un tema inèdit d'en Serge Gainsbourg, aquest Retiens tes larmes, que ens aportava un àlbum editat a principis de 2018 que ens portava, a més, una col·laboració amb reforestación.com. Plantar un milió d'arbres és l'objectiu, i aquest disc col·laborava amb cada CD venut amb un arbre plantat. Després d'aquesta música, Georgius, amb una altra de les cançons que avui recordem d'aquest intèrpret nascut a Mantes-la-Ville el 1898 i mort el 1970 a París. Georgius, i la música d'Olala. Je vais vous raconter une histoire arrivée à Nana et Julo de l'acier. Pour vous raconter ça, il me fallait une java, j'en ai fait une bête, écoutez-la. Mais je vous préviens surtout, je suis pas poète du tout, mes couplets ne riment pas bien, mais je m'en fous. Le grand Julon et Nana sur un air de java, parce que du Robalmusette sur un air de javette. Elle lui dit j'ai Pékin sur un air de javin, il répondit tant mieux sur un air déjà vieux. Ah, ah, ah, ah, écoutez ça si c'est chouette. Ah, ah, ah, ah, c'est la plus belle des javas. Ils partirent tous les deux comme des amoureux à l'hôtel meublé du bout nerveux. Le lendemain, le grand Julot lui dit « J'étais dans la peau » et lui botta le bas du dos. Elle lui dit « J'ai compris, tu veux de l'argent, chérie, j'en aurai à la sueur du nombril. » Alors elle s'en alla sur un air de java, boulevard de la Chapelle sur un air de javel. Elle se vendit pour de l'or sur un air de javor, à 3 francs la séance sur un air de jouvence. Ah, ah, ah, ah, écoutez ça si c'est chouette. Ah, ah, ah, c'est la plus belle des javas. Son homme pendant ce temps, ayant besoin d'argent, mijotait un vol extravagant. Il chipa, lui, Julot, une rame de métro qu'il dissimula sous son paletot. Le coup était bien frais, mais juste quand il sortait, une roue péta dans son gilet. Alors on l'arrêta sur un air de java, mais rougeotte de colère sur un air de javert. Dans le ventre du flic sur un air de javic, il planta son eustache sur un air de jeune vache. Ah, ah, ah, ah, ah, écoutez ça si c'est chouette. Ah, ah, ah, ah, c'est la plus belle du java. Couplet pathétique, Nana ne sachant rien, continuait son turbin. Se sont passés un matin. Elle rentre à la maison, mais elle a des frissons. Elle s'arrête devant la prison. L'échafaud se dresse là. Le bourreau, tu ne t'en fais pas. Fais le couperet à la pente Omega. Julot vient sa petit pas sur un air de java. C'est lui qu'on guillotine sur un air de javine. Ça s'écroule dans le panier sur un air de javier. Et Nana s'évanouit sur un air de javouille. Ah, ah, ah, ah, écoutez ça si c'est chouette. Ah, ah, ah, ah, c'est la plus belle des javas. Un dels més importants artistes de París durant almenys 50 anys, Georgios, que també se'l coneixia amb d'altres noms musicals, com Theodore Craplet, per exemple, George Guibourg, o Georgios tan sol, ens portava aquesta cançó des del 1924. Una manera diferent, amb músiques del món i amb un record esplèndid, aquest el que hem recordat avui, de començar el nostre espai. Hola, la música, ara mateix, amb la cançó que ens recomana la nostra col·laboradora, la Norma. Una cançó d'en Jack Jacks Goldman, aquest excel·lent intèrpret, autor, compositor francès, que ens porta una cançó. La Norma ens diu que homenatge, potser al Daniel Balavoie o al Michel Berger. No ho sap, però és molt emotiva. Confidential. Simplement te dire que ton visage et ton sourire resteront près de moi sur mon chemin. Te dire que c'était pour de vrai tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a fait, que c'était pas pour de faux, que c'était bien. Faut surtout jamais regretter, même si ça fait mal, c'est gagné. Tous ces moments, tous ces mêmes matins, je vais pas te dire qu'faut pas pleurer

état d'âme. Si ton cœur détale, rupture brutale, moi l'animal, je retiens ma respiration. Je compte à rebours, je guette ton retour dans tous mes états d'âme. Esteu escoltant Ulala Music. Je te promets les yeux pour les aveugles, des battements cardiaques pour le mari de la veuve et pour le martinet de claque. Je te le promets, la preuve, c'est que j'ai dit promis afin de promener mon œuvre et les crédules aussi. Je te promets des jambes pour nos idées cutchates, de la chair autour des os pour le peuple kanak. Et je t'offre le PIB de toute la Nouvelle-Angleterre ainsi que tes congés payés. Je te promets des bols d'air, une fusée pour voyager. Je te promets l'Espagne, médaille à ton veston. Je te promets mille campagnes à défendre tes opinions. Je te promets même une route qui sans doute ne mène à rien, pour que tu partes pas trop loin, même si tu marches coûte que coûte, que coûte. Je te promets la fièvre même sans eau dans ton vin. Je te promets le droit de grève et la santé pour tes gamins. Si je ne te promets pas l'amour, je te promets le mariage, un amant pour te faire la cour. Et la morale pour être sage sans être sourd. Je te promets des hôtes pour te garnir ta blé. Je te promets le droit de vote pour tes frangins immigrés. Je t'offre toute la liberté qu'il faut pour te sentir vivant. Un pauvre à toi pour l'exploiter. Un dictionnaire des boniments, des boniments. Je te fournirai mon estrade et je te donnerai mon nom. Tous les chevaux de la Camargue, une voiture de patron. Je t'enseignerai le mensonge, alors tu sauras comme moi qu'il faut que le peuple s'allonge pour supporter nos états, nos états. Français, française, j'en oubliais quelque chose. Je vais légaliser l'herbe, éradiquer la ménopause, te rembourser tes cigarettes, elles font travailler les médecins. Un euro la bouteille de vin pour une France qui arrête, qui arrête. Votez pour moi, pas pour lui, j'ai dit pour moi. Votez pour moi, pas pour lui, j'ai dit pour moi. Ha estat la col·laboració de l'Àngel Rodríguez amb Amir, Saps d'amor, i Soan, artista nascut el 1981 amb el seu folk rock melancòlic, ens ha acompanyat. Fa uns programes es van emportar començament d'un disc recordatori de versions de temes clàssics en francès. Bé, és el moment de continuar amb aquest disc també, almenys amb un parell de peces. Aquell It's a Man's, Man's, Man's World, tan legendari, Nino Ferrer el va cantar en francès amb aquest Si encara m'estimes. Passer notre désir.

je danse sur la terre que j'aime, celle qui se gagne sur la boue. Et j'avance, j'avance dans la belle lumière verte du bahut. J'suis né dans un bar au bord d'un marécage par une nuit de lune fine. J'ai appris à marcher dans le fond d'une barque entre les crosses des carabines. J'suis né dans le bayou, j'suis né dans le bar. En aquests primers compassos de l'African Paris, la versió d'aquell tema clàssic de Sting, de l'Englishman in New York, i mai més ben trobat. Haig de reconèixer que amb aquesta cançó, que algun dia m'has de recuperar, Ciril, la tenim aquí, o sigui que el dia que vulguis la podem posar i explicar-me una altra vegada la història, perquè va ser un dels títols que realment em van començar a descobrir aquestes versions que sempre ens sols portar tantes vegades. Benvingut, Ciril. Gràcies, Rafael, i gràcies novament, i bon dia, bona tarda a tothom que ens escolta. Òbviament, depèn de... Això, els horaris són tan diferents. Absolutament, i més avui en dia. Doncs sí, ens agrada jugar amb la música, ens agrada sorprendre, i és veritat que amb les versions és una eina sovint fantàstica per descobrir o per recuperar antics temes o per descobrir nous intèrprets. Aquest Englishman in New York convertit en Africà a París, doncs dona, efectivament, per tornar-ho a recuperar un dia d'aquests. Jo avui, no obstant, us porto una altra cosa, també un clàssic, una de les grans temes, jo diria, dels anys 90, amb una de les grans referències del reggae, en aquest cas de Costa d'Ivori, com és Alpha Blondy. Jo he de dir que una de les escenes més sorprenents que he viscut aquí és el concert d'Alpha Blondy a la platja del Portbó, a Calella de Palafrugell, una cosa que realment no acabava de quadrar, en l'escenari de les Havaneres, en el marc del Festival Ítaca. Per mi és un dels grans moments musicals en qüestió de músiques del món que s'ha donat aquí a l'Empordà. Alpha Blondy, amb un clàssic, amb una cançó més a més, que ja en aquell moment anticipava molt del que estem visquent ara, que és que la ciència sense consciència només pot ser la ruïna de l'ànima. Alpha Blondy, avec science sans conscience. Aquesta gent va tenir èxit a nivell comercial també moltíssim, no? Alpha Blondy? Moltíssim, i són una de les grans referències de la música reggae i africana. I van estar en The Wailers, em penso, també va estar, no? Sí, exacte, i és un dels Wailers en el seu moment, i és tota aquesta branca del reggae que ha derivat a tot el continent africà. De fet, el reggae és una música, jo crec, que jamaicana, però absolutament transversal, i que amb aquest missatge de positivisme i aquestes coses, doncs, s'ha convertit en un himne del tercer món en general. Ai, que t'estàs tornant un comercial ara. Ai, bueno, Alpha Blondy amb un tema, un clàssic, i jo crec que tothom pràcticament l'haurà sentit alguna vegada, i si no, doncs que el descobreixi i que el balli. Science sans conscience n'est que